Caution, je parle vandalisme, banditisme, des cités, mon aimé va sur la liste. C'est pas parce que je blague que je fous le bordel. Nos darons nous blâment parce qu'on se croit mondaine. Le street life me met non, croit qu'on nique tout. Erreur de tir, vise mal, qu'on panique tous lorsque les choses tournent mal la zone parce que manque de conscience, de jugeant dans nos esprits. Je prie au nom du Père, hein, du 7-6 et du Saint-Esprit. Ramène ta chevron que je t'explique. Pour poser des bonnes actes, non sables. K-A-B-A, excel en vertu, apothéose aux yeux mérite. Excès d'amertume aux autres. On fonctionne comme les 12 apôtres. Donc serein pour l'honneur de nos racines. Éduqué dans la paix, l'intolérance. Pas possible que je trahisse la parole. Mon daron parti dans l'autre monde. Et ses conseils pratiques. La bebon, même quand on roule du bon shit, c'est du bon. Si tu kiffes ça, répète, bring the bank. Pas le genre à carotter chez Carrefour ou chez moi. Au blé, j'évite franchement que je blesse. Y'a le consort en face du respect, s'il te plaît. Comme ça, mon train dans la rue. Vénère pour le troisième, il est nerf, les nerfs pour la live. Le sale mon train dans la suite. La rage dans la maille, dans le crâne. Business et shit. Comme ça, mon train dans la rue. Vénère pour le troisième, il est nerf, les nerfs pour la live. Le sale mon train dans la suite. La rage dans la maille, dans le crâne. Business et shit. Là, je pense ouvrir direct et c'est qu'une vanne. Ma cache inondée à l'appel en masse de vérité en perdition. Ces âmes misérables sur terre déversées depuis des lointains se graine poussière. Miséricorde assortie de la misère serve. Le fuck plouc sans vergogne du haut du monde. Kilimanjaro pour mon garni d'air pur avec allégresse. Fuck, ma dick sock. Mon artère mortel comme un flippant époque. Semblable dans le bonheur, idem dans la douleur. Finiront douce, pareil, primaire règle. Et toléré, aucune exception. Poursuivre, qu'on soit peu, son prince et les dicks. Son ascension, acute. Note de musique, prêtez votre attention à cette rythmique ode. Pleurier bougeant, cœur sombre et sensible. Se lever à l'orée des matinales roses et nouvelles aubes. Jauge et méon, j'achère ces sales mondes. Qui d'ici oublie bien souvent deviendra homme. Se sentir caïd, jouer les justiciers, voir les familles pleurer, justice. Rochement tout blâme, ni moi acclame, agissement macabre. Business is shit.